À l'occasion de la journée du soleil, le corps des attachés militaires en Corée a visité le 11 Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le musée de la révolution coréenne et l'exposition de la culture de Pyongyang.